Pourquoi on ne peut pas dire ça? Pourquoi on ne peut pas apprendre ça? Pourquoi on ne peut pas vivre ça? Le sexe, c'est pas de la pornographie, ni de la morale, ni de l'amour. C'est du corps, c'est tout simplement un beau jeu du corps. Du corps libre dans les forêts, du corps avec ses petits trous, ses pointes, ses pics, ses poisons, ses tactiques, ses moissons de moiteur et ses envies secrètes. Ça. Ça que l'on est quand on ne veut pas dire. Il a tout tendu, ça. Et en entière pour nous, et on ne le sent pas. Mais voilà, maintenant il est là. Ça est là. La la la la la la la la la. Je le vois tout en bas. Chez les saints, chez la doux rien n'est clair. Chez eux, la doux ça tire. Il est entré dans l'église, c'est maintenant le moment de faire vomir les mots.